Automatique dans le froc, dans le vide comme dans le bloc. Au début, M. Taxi me bloque pour lui péter le corps. Ramène toutes tes copines, ce soir c'est la folie. Pour y'a que des zombies, vodka anti-whisky. J'ai des problèmes, je me dis putain, je bille. Je suis d'accord comme le couplet de Gibbs. J'ai vu une blonde, cheveux longs, cheveux lisses. Gros, j'y vais, j'ai la cote, j'ai le gris. On échange, elle me dit, je viens de Nice. J'ai la casse comme Bryce de Nice. Puis ensuite, tu dégages de là. Je lui promets pas le paradise. Pour mon cœur, j'ai un gilet pare-balles. C'est mousse pas si t'entends des pop-pop. On est seul, plus les potes des cartas. S'il te plaît, mon ami, écarte-toi. Automatique dans le froid. J'suis dans le vide comme dans le bloc. Au début, elle me taxe une clope. Automatique dans le froid. Automatique dans le froid. J'suis dans le vide comme dans le bloc. Au début, elle me taxe une clope. Pour lui péter le corps. Si, ramène toutes tes copines. Ce soir, c'est la folie. Bro, y'a que des zombies. On est vodka anti-whisky. Automatique dans le froid. Jab jab sur Rocky dans ma rap taille. Quand je la fous à 4 pas, comparé lui en pare-balles. Je tire une grosse barre et je m'en bats comme un ninja. Rien j'enchaîne les combos, je vais les kick et des umba. Je suis bourré, j'écoute pas, je le connais, t'inquiète pas. Lui il se prend pour tout pas, qui va prendre une grosse star. Sans putain j'ai ton car, je passe un constat. Je suis lancé, hop là, qui est chaud pour constat. Pour mon cœur j'ai un gilet pare-balles. C'est mousse pas si t'entends des pop-pop. On est top plus l'époque des cartas. S'il te plaît mon ami écarte-toi. Automatique dans le fort. Je suis dans le vide comme dans le bloc. Au début, elle me taxe une clope. Automatique dans le froc. Automatique dans le froc. J'suis dans le vide comme dans le bloc. Au début, elle me taxe une clope. Pour lui péter le corps. 6, ramène toutes tes copines. Ce soir, c'est la folie. Bro, y'a que des zombies. On est vodka anti-whisky. Automatique dans le froc. What?